Merci beaucoup, Monsieur Navarro. Merci. Docteur Navarro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier d'abord tous les intervenants en plénière et en atelier qui, chacun à leur façon, a apporté vraiment parfois des choses très solides sur le plan épidémiologique, parfois un éclairage, une réflexion, mais tout ça me semble pouvoir se mettre en perspective et en tout cas apporter beaucoup à la réflexion de notre association, et je les en remercie publiquement, tout comme je remercie mes collaborateurs bien sûr, et puis les quelques 300 femmes qui à la suite d'un déni ont pris contact avec nous. Les quelques dizaines qui ont accepté de nous voir, de parler, d'avoir des entretiens, de participer à des groupes de parole, et là-dedans, parmi elles, tout particulièrement, celles qui sont confrontées à la problématique de cette table ronde, c'est-à-dire au décès de leur bébé. Effectivement, cette table ronde dit grossesse et décès du nouveau-né. Ça a été dit par mes prédécesseurs et c'est difficile de renouveler, mais c'est la pointe émergente de l'iceberg du déni. C'est ce qu'on voit dans les médias, mais c'est une pointe capitale, surtout pour les personnes qui sont confrontées, puisqu'elles vont avoir affaire à la justice. Alors, pour répondre à la question de Maître Fier tout à l'heure, oui, nous avions invité la chancellerie. Oui, nous avons écrit à tous les parquets pour leur envoyer leur programme, et non, nous n'avons reçu aucune réponse. Voilà, moi je ne suis pas psychanalyste, mais la sagesse populaire dit qu'il y a des silences qui valent tous les messages. Je vais rester du côté de la sagesse populaire. Peut-être d'ailleurs que la chancellerie avait remarqué le titre de la table ronde. On a systématiquement parlé d'infanticide et vous remarquez que le titre de la table ronde c'est « Décès du nouveau-né » et ce n'est pas une erreur. Parce que pour entrer dans le vif du sujet, pour donner le point de vue de la FRDG sur ce thème de façon un petit peu abrupte, c'est que le constat que nous faisons, c'est celui d'une simplification tout à fait abusive, c'est-à-dire que tout décès de nouveau-né est qualifié d'infanticide, on devrait dire de néonaticide d'ailleurs, qui est qualifié d'homicide sur le plan légal, avec une équation qui me semble particulièrement simplette: le bébé est mort, donc il a été tué. D'ailleurs, si vous avez regardé notre quotidien local, hier, ils ont rendu compte du congrès, avec des articles qui étaient pas mal, et un titre qui était « Les mères tueuses », ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, comme ça. Évidemment, avec ce raccourci sanglant, les choses sont simples, finalement, ça a été dit aussi. Et moi, je voudrais analyser cette apparente simplicité en me situant du côté de la réalité objective, au carrefour de la médecine et du droit, avec une intervention finalement dont le titre aurait pu être « Mais qui vous dit qu'elle l'a tué ?» ou « Qu'est-ce qui vous dit qu'elle l'a tué ?» Parce que quand on fait cette équation, on oublie que la naissance, ou on fait passer la naissance plutôt pour un épisode totalement anodin dont on ne meurt jamais. Et dans les propos liminaires du docteur Libert, j'ai bien retenu ce cas d'une naissance à la suite d'un déni qui a eu le bon goût de mourir au service des urgences. 3. Si le bébé était mort avant l'arrivée du SAMU, la mère était faite. Garde à vue, prison, condamnation. Fort heureusement, son bébé a eu le bon goût de mourir quelques minutes après dans les mains d'experts, et là ça allait. Tout se passe donc comme, et je fais ici abstraction des conditions physiques, psychiques, matérielles qui sont celles de l'accouchement dans un cas de déni grave, d'un déni qui va jusqu'au bout, comme donc si toutes ces maternités que nous avons ou que nous conservons encore, toutes ces sages-femmes, tous ces obstétriciens, ben vous étiez simplement des éléments de confort qui sont offerts aux femmes, un petit luxe, un petit supplément. Ben, c'est pas ça. Si vous existez, c'est bien parce que la naissance, c'est quelque chose à risque et même à haut risque. C'est bien parce qu'il faut des gens pour ranimer les nouveau-nés. C'est bien parce qu'il faut des gens pour aider à l'accouchement. C'est bien parce qu'il y a des bébés, vous le savez, qui sont en état de mort apparente. C'est bien parce qu'il a été nécessaire d'adopter dans ce pays des plans périnatalité pour faire baisser une mortalité périnatale qui était au-dessus de celle des autres pays développés. Et comme M. Nizan le disait tout à l'heure, effectivement, quand un bébé décède dans la meilleure clinique avec les meilleurs obstétriciens, on ne dit pas ce bébé est mort, c'est que l'obstétricien l'a tué. Parce que l'absurdité d'une telle conclusion saute aux yeux, bien entendu. Mais quand c'est une femme toute seule, une femme qui ne sait pas qu'elle est enceinte, une femme qui ne sait pas qu'elle va coucher, une femme qui ne comprend pas ce qui lui arrive au moment où elle est en train d'accoucher, une femme qui accouche dans la plus grande solitude sans aucune assistance dans le fond de ses toilettes, là oui, elle est nécessairement coupable. Quel imaginaire collectif avons-nous pour que sans hésitation, la femme qui a le malheur de perdre son bébé immédiatement soit massivement qualifiée de criminelle et condamnée d'avance? Ça, ça me pose un problème que je poserai à Mme Marinopoulos peut-être, parce qu'effectivement, je crois que ça sort de ma sphère, mais quand même, on ne peut que le constater. Alors, cette situation dans laquelle nous sommes n'est pas, pour s'en rappeler au médecin de santé publique que je suis, celle dans laquelle nous étions, ou du moins certains pays étaient, quelques années en arrière, face à une autre mort subite et mystérieuse, celle du nourrisson. Un nourrisson de quelques mois, jusque-là en parfaite santé, paf, meurt brutalement dans son berceau. Et dans certains pays, même en France d'ailleurs, le couperet tombait. Il était mort, donc les parents l'avaient tué. Donc les parents étaient poursuivis pour ce meurtre horrible, donc ils étaient incarcérés, et donc ça allait très bien, très loin. Et en Angleterre notamment, les parents de nourrissons nés de mort subite étaient incarcérés systématiquement, condamnés à la prison lourdement. Alors dans les buts de les punir, sûrement, peut-être de les réhabiliter, que sais-je, tout ce qu'il peut y avoir autour. Et maintenant que l'on sait avec certitude qu'un nourrisson peut mourir brutalement sans intervention criminelle de qui que ce soit, en Angleterre, ils sont un peu pragmatiques, la chancellerie a réouvert tous les dossiers de mort subite de nourrisson, et il y a un processus qui est en train de finir de réhabilitation de ses parents. Un peu tard, la majorité ont purgé leur peine, leur couple ont été détruits, leur vie ont été détruites. Bon, ils seront réhabilités. Je crois que rien n'interdit de penser que ce qui est vrai pour la mort subite du nourrisson peut l'être pour celle du nouveau-né. Et en tout cas, beaucoup de choses invitent à penser dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on peut pousser la comparaison un petit peu plus loin, parce qu'on est en droit de penser, et une étude récente d'Anne Turtz de l'INSERM va dans ce sens, que toutes les morts subites du nourrisson ne sont pas des morts aussi naturelles que ça. Et que dans certains cas, il y a bien eu un geste des parents, volontaire ou pas, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas, qui a provoqué le décès du nourrisson. Donc pour nous, ni angélisme, ni diabolisation systématique. C'est effectivement dans ces situations qu'il faut faire les nuances, regarder les réalités et poser la problématique du décès du nouveau-né. Oui, il y a des mères qui commettent un néonaticide, c'est évident, elles le disent, elles le savent, elles en prennent conscience plus tard, on pourra peut-être y revenir au cours du débat. Mais il y a aussi des cas où finalement ni la mère ni personne ne sait trop ce qui s'est passé, et personne ne le saura jamais. Et il y a aussi des cas où manifestement le bébé est décédé de mort naturelle ou par absence de soins qui auraient peut-être pu prodiguer par des milieux spécialisés ou très spécialisés, mais qu'en tout cas une mère en état de sidération est dans la plus totale incapacité de prodiguer. D'autant que, comment dirais-je, même quand une mère accouche, etc., elle peut percevoir, d'abord si elle perçoit son nouveau-né comme un nouveau-né et pas comme, comme une chose, elle peut même le percevoir comme déjà mort. Soit parce qu'il ne donne pas de signe de vie, et les obstétriciens du 19e siècle connaissaient très bien et décrivaient le tableau de la mort apparente, soit qu'elle-même ne perçoit pas la réalité ou la perçoit de façon tout à fait altérée. Un petit cas clinique. Un couple, très haut niveau social, tous les deux très fort niveau d'études, niveau doctorat. un couple qui n'était peut-être pas au plus beau de sa vie de couple, mais qui continuait à faire chambre commune, même si j'ai pas très bien compris s'il y avait un traversin entre les deux ou si le traversin était psychique. Enfin bon, ça n'allait pas très très fort, mais bon, ça allait. Et une nuit, l'épouse est prise de douleur. Elle réveille pas son conjoint, elle se rend dans la salle de bain, et là, surprise, mais enfin bon, c'est pas une surprise, parce que, voilà, maintenant vous savez comment ça se passe, elle accouche. De quoi ? Elle comprend assez vite que c'est un bébé, et ce bébé est mort-né. Désespérée, cette femme, elle met son peignoir, elle emballe le cadavre dans la première chose qui lui tombe sous la main, c'était la salle de bain, donc une serviette de toilette, hop. Elle sort de sa villa, elle dépose le cadavre sur la poubelle du voisin, et puis, parce que c'est une femme qui est foncièrement croyante, elle récite une prière sur ce petit corps, et elle va se coucher. Finalement, pour nous, rien que de très classique. Malheureusement. À part la prière, qui est assez rare. Quelques minutes plus tard, c'est la prière qui n'est pas normale, voilà, la prière n'est pas normale, mais j'ai une éducation moi-même extrêmement religieuse, donc je comprends. Voilà. Quelques minutes plus tard, un voisin promène son chien et entend des vagissements. Il se dirige vers la poubelle et qu'est-ce qu'il trouve ? Un bébé qui n'est pas content du tout d'être sur une poubelle. Alors cet exemple, deux choses. D'abord, quelle chance pour cet enfant qu'il était emballé dans une serviette et pas dans un sac poubelle. Si la première chose qui tombait sous la main de la maman c'était un sac poubelle, elle le mettait dedans, il mourait par étouffement et hop, prison. Tout de suite, elle l'a étouffé. Mais d'un point de vue médico-juridique, comment peut-on penser qu'une femme qui met un corps mort dans une poubelle a encore la volonté de l'étouffer ? Ça ne tient pas la route, mais devant les tribunaux, ça passe comme ça. Deuxième chose, quand une femme nous dit « Moi, ce bébé, ou cette chose, ça ne bougeait pas, pour moi, il était mort », on voit bien combien elle ne nous ment pas, qu'effectivement, quelle que soit l'hypothèse, soit elle ne l'a pas vu bouger, soit il ne bougeait pas réellement, mais dans tous les cas, voilà un exemple qui prouve que même vivant, le bébé peut être perçu comme mort, et donc elle ne va pas lui donner les soins que même à la limite elle aurait pu peut-être commencer à lui donner. Voilà. Alors, effectivement, cette incapacité à prendre en charge l'enfant, d'ailleurs, incapacité, comme ça a été dit ici, que toute autre femme, même connaissant parfaitement son état de grossesse, aurait probablement eu, eh bien, cette incapacité qui se situe dans un continuum d'une situation pathologique, celle du déni, va mener tout de même inexorablement cette femme devant les tribunaux, devant les assises, et elle sera condamnée. Voilà. Et cela, malgré un petit peu tout, le professeur Nizan, tout à l'heure, au fur et à mesure que les interlocuteurs parlaient, je refaisais mes notes, parce que, pour ne pas redire les mêmes choses, mais il disait quelque chose qui, sur le plan médico-légal, est tout à fait essentiel. Quand on regarde les rapports des médecins légistes, c'est pas brillant. Généralement, ils ont pris un petit poumon, fait comme on faisait à l'ancienne, c'est un bout de poumon, ils le mettent dans l'eau, ça flotte, hop, le bébé était vivant, donc on l'a tué. Bon, c'est un peu court. Monsieur Nizan, tout à l'heure, rappelait comment, par la mécanique de l'accouchement, le bébé était susceptible d'ingérer de l'air, ingérer effectivement de l'air, qu'on retrouvait nécessairement dans les poumons, et qu'il n'avait pas pour autant respiré. Et de fait, quand des avocats nous contactent, nous, ce qu'on leur dit tout de suite, c'est pousser les analyses. Parce qu'on sait en anatomopathologie, par exemple, que quand on étouffe quelqu'un, il y a un transsudat au niveau de l'alvéole. Et là, quand on fait la lame, ben, il n'y en a pas. Et quand on montre le résultat au juge, d'abord, lui, le transsudat, il ne sait pas ce que c'est, donc voilà. Et ça ne change rien. Et au pire, moi, j'ai vu un cas où il se servait de ça pour enfoncer encore plus la... J'allais dire la patiente, enfin bref. Voilà, l'inculpé. Autrement dit, Il y a un côté expéditif dans ces histoires qui est quand même pour nous extrêmement dérangeant. Parce que finalement, on a une femme qui est enceinte sans le savoir, qui accouche dans des conditions désastreuses, qui a le malheur de perdre son bébé, et je ne parle ici que des cas où il n'y a pas de geste dit positif au sens juridique du terme de la mère, qui perd le bébé sans rien faire, qui va se pour lequel la napate dit n'importe quoi, enfin la napate n'est pas faite, qui va se retrouver en garde à vue, et toutes celles que j'ai rencontrées, je vous assure, disent que ce n'est pas une simple formalité, c'est vraiment pas un entretien psychothérapeutique de face à face. Vous subissez des pressions, il faut le dire, très fortes, pour vous faire cracher le morceau, même s'il n'y a pas de morceau, et c'est comme ça que ça se passe pendant 48 heures. Je crois qu'un des avocats décrivait les conditions dans lesquelles ça se passe. Quand vous sortez d'un accouchement, que vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé, etc., que vous êtes 48 heures en petite culotte avec des gens qui vous posent des questions dans tous les sens, qui vous laissent éventuellement pas dormir, renfermés dans une cellule, etc., oui, vous pouvez finir par dire des choses qui sont contradictoires pendant ces 48 heures-là. Voilà. Il me semble, avec le peu que j'ai dit, parce que je veux laisser un peu de place au débat, à l'évidence, ce qui est bafoué et dénié là, c'est les bases mêmes du droit. C'est les bases mêmes de la justice. Et je me dis que ce déni de grossesse est vraiment terriblement dérangeant pour la société, puisqu'il peut amener à bafouer ce socle même de la société, qu'est la justice, en toute bonne conscience et dans le respect apparent de la morale. Parce que finalement, ce sont ceux qui bafouent la justice qui sont du côté de la morale. Voilà, pour conclure, peut-être une petite phrase lapidaire, et qu'on ait le temps peut-être de la discussion. Il me semble que dans toutes ces histoires où on parle beaucoup de monstres, si monstre il y a, il n'est pas nécessairement du côté de la femme, mais parfois de la machine judiciaire.